Avec la grâce, nous arriverons, et c'est certain, Mada chante. C'est vrai, chez Mathieu Tour de Contrôle, Club Sai Sai à London, Maison Kisoki Elka Service. Ce n'est pas la peine. Attends, la mauvaise campagne. Batu Panda, merci Touba, à l'Oublas Pista, à la Kamagnola, à la Matete, mais la Chamoubole, à la Matete, Loupimba. Jean-Blaise Mpata, Trésor Chambo, Didier Nitu. Bien. bien pinda Abdul la loi Horizon Schengen chez le Vic Lotula Kanda Mobila la Luanda Ana Marina Dede Razoela Manelo Tsenge Ana Marina Dede Solo va Weli Kere Sebe Mobila Keta Nagi Lima Chumumaya Mose Ana Marina Dede Bas Lengi Solo va Weli Kere Sebe Mobila Keta Nagi Lima Chumumaya Mose Turbo James Jamila Mila, Mila Elvis de Madega Mili Mousera NG Mama Weeva Manita Major na André Angeli Eric Tontolo, Chagui, Picasso Aguila, Aguila, Aguila, Aguila Mokouba na Boilou Africa numéro 1, Robert Brazza Christian Osakwano Anabalou Baba Zagouni la Bangale Jamari Kassamba Anabalou Baba Zagouni la Bangale Radio Panique, Mamimi, Papa Jules Station Makapam de Fouaté Oye Aguila, Aguila Roskes le grand baroba et Didi Vengele Achille Meliana del Pont Oye Didi Didi Didi Didi Didi Yanni Mundu